Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu. Protège-moi contre ceux qui s'élèvent contre moi. Délivre-moi des hommes de sang, car ils guettent ma vie sans cause, sans loi. Ils rôdent autour de moi chaque nuit. Ils grondent comme des chiens dans la ville. Ils lancent des flèches avec leurs lèvres, pensant que nul ne les voit dans leur exil. Mais toi, Seigneur, tu ris d'eux, tu tournes en dérision toutes les nations. À cause de sa force, je veille vers toi, car Dieu est ma haute protection. Mon Dieu me fera voir sa bonté, au matin je chanterai ta fidélité. Car tu es mon refuge au jour de détresse, ma forteresse dans l'adversité. Chaque soir en rugissant, ils errent pour chercher leur nourriture. Mais moi je chanterai ta puissance, dès le matin je célébrerai ta bonté pure. Car tu as été pour moi un refuge, une retraite au jour de ma peur. Ô mon Dieu, mon appui, ma force, à toi soit la gloire. Jamais je te chante.